Essayer de situer un peu les choses dans leur contexte, qu'on puisse au moins savoir de quoi on parle. Là, ça, c'est la première difficulté. Donc, c'est une minorité qu'on ne connaît pas, c'est une minorité par. Deuxième difficulté, c'est que parler de la minorité ici, bon, moi je ne suis pas historien, je suis sociologue, mais je fais appel quand même à l'histoire parce que c'est obligatoire. Pas pour faire de l'histoire, mais plutôt utiliser l'histoire pour appuyer certaines thèses que je défends ici, une thèse en particulier que je défends ici. Je vais en parler tout à l'heure. Les minorités ontariennes, francophones, franco-ontariennes, c'est une minorité parmi d'autres, c'est un cas particulier. Alors, si vous voyez, je n'ai pas le contrôle de mes PowerPoint parce que je ne vois pas ça à l'écran. Donc, je ne connais pas bien l'ordre, donc je vais au tâtonnement comme ça. Quoi. Alors, si vous voyez ici, vous avez un peu le Québec ici, tout est en vert, en fait, la majorité, ça va de soi. L'Ontario, Manitoba, etc. Et tout ce qui est, je ne sais pas si vous voyez bien un peu, toutes les poches comme ça en vert, en fait, c'est les minorités hors Québec. Et c'est des minorités un peu éparpillées un peu partout. C'est l'Ontario qui on trouve un peu la population, à peu près 8% de la population. Selon les régions d'où je viens, c'est à peu près 40% des minorités. Certaines régions, c'est la moitié, certaines régions, c'est 12%, ça dépend un peu, mais globalement, c'est à peu près 8% qui sont en Ontario, mais c'est la partie la plus peuplée, disons, au niveau de la population francophone. Et puis ensuite, ça varie selon les régions, selon les provinces. Et vous avez ici les Acadiens, vous connaissez sûrement, et qui sont un peu plus très très dominants au niveau de la population, et ils ont un peu un statut particulier. Je ne vais pas en parler parce que ça va mêler un peu des choses, mais je vais glisser quand même un mot sur cette minorité. Donc parler un peu de la minorité de l'Ontario, on peut s'obliger un petit peu de situer un peu dans tout ce contexte-là, parce que ce que vous voyez ici, c'est évidemment une répartition, mais c'est en même temps une construction socio-historique de cette minorité-là. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il y a des raisons socio-historiques, et c'est un peu ça que je voulais en parler tout à l'heure. La difficulté aussi de parler de ces minorités-là hors Québec, contrairement à certaines minorités dans le monde, c'est que je suis obligé un petit peu de tenir compte à la fois du nationalisme québécois et du nationalisme anglo-saxon. On est obligé. Parce que ces minorités-là, hors Québec, sont un peu prises entre les deux. Et évidemment, hors Québec aussi, on est obligé, quand on parle de nationalisme québécois, on est obligé un petit peu de parler de nationalisme d'autodétermination ou un nationalisme pan-canadien. Donc, c'est à l'intérieur même du nationalisme. Il y a un débat, il y a des luttes symboliques. Et il y a aussi, à l'intérieur des anglophones, aussi le nationalisme anglophone, ce n'est pas un bloc homogène non plus. Et il y a aussi un nationalisme très radical, un autre un peu moins, plus ouvert aux minorités francophones. Donc il faut aussi tenir compte un peu de ça. Les choses ne sont pas si simples que ça. Et aussi parler de la difficulté aussi, c'est que parler de ces minorités-là, on est obligé, puisque c'est pas une minorité territoriale. Enfin, c'est une minorité territoriale, mais disons, ils n'ont pas le contrôle de l'État comme au Québec. Ils n'ont pas un État. Donc on est obligé, par ces minorités-là, c'est de parler aussi du gouvernement fédéral, leur rapport au fédéral et leur rapport au provincial, dans leur province. Et ça ajoute un peu aux difficultés, parce que les combats ne sont pas les mêmes. Les réactions ne sont pas les mêmes. L'autre difficulté aussi, c'est que quand on parle de minorités comme celle-là, puisqu'ils ne sont pas majoritaires, la difficulté, c'est qu'il faut séparer les luttes à l'état isolé, individuel, et puis à l'état collectif, organisé. Et c'est une autre difficulté. Je ne parlerai pas beaucoup de la minorité à l'état isolé, parce que là, il y a une diversité de rapports à la langue, etc. Par exemple, je donnerai des exemples en Ontario et ailleurs, on a un problème, par exemple, d'assimilation. C'est énorme, un taux d'assimilation énorme dans ces minorités-là. Et les réactions face à l'assimilation varient aussi. Lorsqu'on a des individus qui sont dans un contexte majoritairement francophone, là, par exemple dans certaines régions où ils sont 50% de la population, le problème se pose moins. Parfois, il y a des régions où ils sont 80% francophones. Donc la question se pose moins. Mais quand ils sont dans un contexte, un environnement majoritairement anglophone, alors la question se pose. Donc les stratégies sont beaucoup plus individuelles. Certaines personnes se rebellent à travers parler la langue régulièrement, dans la rue, etc., affirmer son identité. Et mais d'autres aussi disparaissent de l'espace public. C'est vraiment l'invisibilité de francophones. Pourtant, ça nous prend quelques temps, à 1 heure, 15 minutes parfois, pour se rendre compte qu'on est dans une salle où il y a 50% de francophones. Si vous allez par exemple dans une clinique, à l'hôpital, vous êtes dans une salle comme ça d'attente, tout le monde parle anglais, mais ça prend une personne ou deux qui parle français pour que tout le monde se mette à parler français et on se rende compte que la plupart sont des francophones qui sont dans la salle. Mais dans le quotidien, les gens ne parlent pas anglophone. Et cette difficulté-là est liée aussi au mariage. On sait qu'il y a des études sociologiques qui démontrent très bien que lorsque le père est anglophone, l'assimilation est rapide. Alors que quand la mère est francophone, les enfants, non, on parle français à la maison, les enfants sont envoyés à l'école en français. Alors quand c'est le père pardon, quand la mère est anglophone, c'est le contraire. Les enfants, soit ils ne sont pas envoyés à l'école en français, ils ne parlent pas en français, ainsi de suite. Donc en fait, finalement, c'est la femme finalement qui assure cette reproduction linguistique, en quelque sorte. Ça, c'est les études sociologiques qui sont un peu largement connues, qui ont démontré un peu ça. Donc, parler un petit peu de ces cas des individus, bon, c'est un peu complexe, mais on peut en parler dans la discussion parce que parfois il y a des liens avec les luttes organisées. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus ici, c'est plutôt les luttes organisées, les luttes collectives. Et ça encore, la difficulté est énorme parce que ces luttes collectives ne sont pas données d'avance. Elles sont aussi un processus de construction. Comment on a construit ces luttes-là? Comment on a défini l'identité qu'on a appelée l'identité franco-ontarienne? Quels sont un peu les moyens qu'on a mis? Quels sont les conflits, les luttes internes aussi à ces communautés-là? Tout ça, en fait, ce que j'aimerais un peu discuter avec vous. Donc en fait, l'idée essentielle ici, c'est que ce qui m'intéresse un peu avec vous, c'est de montrer comment des individus, des groupes, sont devenus un groupe minoritaire et comment ce groupe minoritaire, à travers les luttes, s'est donné une identité qui s'appelle identité franco-ontarienne ou identité, toutes les identités franco-colombiennes, manitobaines, ainsi de suite. C'est devenu une identité territorialisée, en quelque sorte. Et comment ces identités-là, ces minorités-là, se sont du jour au lendemain, ils se sont dit que nous sommes pas seulement une minorité, mais une minorité nationale, mais plus encore qu'une minorité nationale, nous sommes l'un des peuples fondateurs du Canada. Donc tout ça, en fait, c'est un long processus qui s'est construit dans les luttes. Et qui pose aujourd'hui un sérieux problème, cette idée de thèse de ce qu'on appelle aujourd'hui le pacte de deux peuples fondateurs, ça pose un peu un problème majeur aujourd'hui. Parce que le fait de se définir aujourd'hui comme l'un des peuples fondateurs avec les anglophones pose un problème sérieux, particulièrement aux gens, aux Premières Nations. Ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelle là-bas, mais ce n'est pas péjoratif, les autochtones, mais c'est les Premières Nations. Et ça pose un problème sérieux que j'aimerais un peu discuter à la fin, un peu sous forme de conclusion. Mais avant, j'aimerais quand même qu'on suive un peu plus ou moins le fil conducteur pour voir un petit peu comment on est venu à devenir une minorité, en fait, déjà constituée, en fait, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était pas avant. Alors, je ne sais pas où je suis là. Alors, moi, point de départ, évidemment, il y a plusieurs façons d'aborder cette histoire-là, mais je vais plutôt parler de la question de l'immigration, en fait. Si j'étais historien, peut-être, et j'étais sûr de moi, je reviendrais beaucoup plus à la défaite des Français, l'arrivée des anglophones, la domination, en fait, des Canadiens français de l'époque, ainsi de suite. Mais je ne rentrerai pas dans ça pour la raison. Ça va m'éloigner. Et puis, deux, je n'ai pas la maîtrise non plus historique de tous les événements, etc. Par contre, ce que je maîtrise un peu mieux, c'est plutôt cette phase que vous voyez ici. C'est... d'abord, juste entre parenthèses, PowerPoint ici, c'est juste des repères que je donne là. Ce n'est pas des textes, etc. Simplement pour vous donner des repères. Alors, quel est le départ en fait à l'origine de la création de ces minorités-là qu'on a vu tout à l'heure? C'était au fond un ensemble d'individus, principalement des agriculteurs vivant dans des conditions très très difficiles, de l'endettement d'une part, et surtout, ils vivaient une situation un peu particulière, c'était la crise de l'agriculture. La crise de l'agriculture voulait dire en fait une saturation du territoire. Il n'y avait plus de territoire à défricher. Et donc les familles ne pouvaient plus se reproduire, surtout les jeunes agriculteurs. En fait, donc on a assisté à un départ massif un peu vers l'Ontario, et principalement vers les États-Unis, et par la suite vers les autres provinces que vous avez vues tout à l'heure, le Manitoba, etc. Et ces agriculteurs-là, on les a... les chiffres, ce mouvement d'immigration a commencé plus ou moins à partir de 1840 jusqu'à 1930 environ. Donc c'est des parts massives. Et ce qui est intéressant un petit peu avec ça, c'est que les chiffres... Bon, il y a un débat sur les chiffres, on ne sait pas exactement les chiffres, mais les chiffres, disons, plusieurs historiens, disons, acceptent, c'est environ, entre 1800, par exemple, 40 et 1930, aux États-Unis, il y avait à peu près plus que 2 millions de personnes qui ont quitté la province de Québec pour aller aux États-Unis, pour trouver, alors, qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis et ailleurs, principalement. Ça, c'est... 2 millions simplement aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Simplement, c'est l'industrie, principalement, travailler comme ouvrier, c'était la croissance économique. Et certains, évidemment, exploitaient des terres, travaillaient comme des journaliers. Et l'Ontario en particulier, je ne vais pas insister sur les autres provinces, en Ontario par exemple, juste pour l'année 1911, il y avait à peu près 200 000 départs. Sans oublier ceux qui étaient avant, qui sont partis avant, et ceux qui sont nés en Ontario. Ce qui fait que pour l'élite de l'époque, ça représentait un sérieux problème, l'hémorragie. Pourquoi ça représentait un sérieux problème en Ontario? Il faut dire déjà, pour l'information, quand on parlait de l'Ontario à l'époque, en fait, ça n'existait pas l'Ontario. C'est peut-être un archonique ce que je dis ici, mais simplement pour simplifier, c'était le Haut-Canada et le Bas-Canada. Le Haut-Canada, c'est l'Ontario aujourd'hui. Et le Bas-Canada, c'est le Québec, en fait. Et dans ces projets d'assimilation, le gouvernement britannique avait divisé la province de Québec en deux parties. Une partie qui s'appelle le Bas-Canada, une partie le Haut-Canada qui devenait l'Ontario, en fait. Donc l'Ontario, c'est finalement une création de Québec, c'est une partie de Québec devenue une province autonome. Pourquoi cette division-là? Pour des raisons ethniques, on voulait un peu séparer le Bas-Canada pour les francophones et le Haut-Canada pour les Écossais, pour les minorités anglophones et pour les Irlandais en particulier. Ce mouvement massif finalement vers les États-Unis, vers les autres provinces, posait un sérieux problème à l'élite de l'époque. Pourquoi ça posait un problème sérieux? Parce que l'enjeu majeur, c'était la démographie. Le rapport de force, c'était la question démographique. Tant que les francophones de Québec étaient nombreux, le problème d'assimilation ne se posait pas. Donc on s'opposait, disons, à l'assimilation, à tous ces projets. Les projets d'assimilation, je ne vais pas m'attarder beaucoup, ils étaient très nombreux. Déjà depuis la défaite des Français, on avait mis au moins 5-6 projets d'assimilation, mais à chaque fois, ça ne marchait pas pour les raisons que les francophones étaient dominants dans leur province. Et c'est eux qui dominaient un peu les politiques, dominaient un peu le. On avait besoin des francophones parfois contre la guerre, par exemple, aux États-Unis. On avait besoin d'assurer de leur loyauté, donc on essaie un petit peu de leur permettre de continuer à survivre. Mais néanmoins, le Québec était quand même sous domination anglophone, était évidente. Quand je dis domination anglophone, encore une fois, c'est un mot général comme ça, mais en réalité, les Irlandais catholiques étaient beaucoup plus proches des conditions de vie des francophones que, par exemple, les Irlandais protestants ou les anglophones comme tels, ou les Écossais, qui plutôt dominaient un peu le capital, l'économique, etc. Tocqueville, que vous connaissez très bien, est passé, il avait écrit à sa nièce, je crois, une lettre en 1831 pour décrire l'état de la situation, l'état des francophones dans la province. Il disait, et je cite, « Je viens de voir dans le Canada 1 million de Français, braves, intelligents, faits pour former un jour une grande nation française en Amérique, qui vivent en quelque sorte en étranger dans leur pays. Le peuple conquérant tient le commerce, les emplois, la richesse, le pouvoir. Il forme les hautes classes et domine la société entière. Le peuple conquis partout, il n'a pas le peuple conquis partout, il n'a pas d'immense supériorité numérique, perd peu à peu ses mœurs, sa langue et son caractère national. » Ça, c'est Tocqueville qui écrivait ça, etc. Mais ce que Tocqueville oubliait, c'est que, en fait, et je crois qu'il va le mentionner un peu plus tard dans ses écrits, c'est que le milieu, les Canadiens français, parce qu'ils ne possédaient pas le capital, s'étaient repliés en fait sur l'agriculture et ils étaient un peu majoritaires au milieu rural. Et donc c'est là où la langue française survivait. Tocqueville, par exemple, disait plus tard, lorsqu'il a visité le milieu rural, il disait que ces gens-là étaient braves, ils nous ont reçus gentiment et tout et tout. Mais j'étais un peu surpris d'entendre dire qu'ils constituaient le Nouveau Monde. Alors Tocqueville disait en fait, ce n'est pas eux le Nouveau Monde, c'est nous le Nouveau Monde, c'est la France qui est le Nouveau Monde. Eux vivaient encore dans l'Ancien Régime, puisque leur français ressemblait encore à l'Ancien Régime. C'est comme ça un peu que décrivait Tocqueville, décrivait un peu ces ruraux de l'époque. Ce milieu rural, en fait, permettait la reproduction, le maintien, la reproduction de la culture francophone, canadienne française plutôt, et sa religion, et l'Église, évidemment, celui qui dominait un peu la scène politique et même sociale et culturelle de l'époque. Ce qui est intéressant aussi de retenir, c'est que avec ces départs massifs, l'élite va réagir très fortement donc à l'époque contre ces départs massifs et ils vont développer toute une ils vont redéfinir ce groupe minoritaire qui est parti en termes négatifs. On va dans un premier temps on va les traiter de lâches, de non patriotiques, des fuyards. Et puis ensuite, on va les traiter d'ivrognes. Ils vont aller aux États-Unis ou ailleurs à la recherche du luxe. Ils veulent vendre leur âme à l'industrie. Donc il y a toute une rhétorique qui s'est développée autour de ces premiers immigrants qui étaient considérés comme un paria. Finalement, c'était les ruraux de l'époque, c'était une classe dangereuse politiquement, économiquement et tout, puisqu'il a lâché l'élite pour aller vendre un peu son âme ailleurs. Pourquoi à part la démographie, pourquoi cette lecture négative, pourquoi on a transformé un groupe canadien français en quelque chose de négatif? Parce que ça coïncidait aussi avec une perte de pouvoir de l'élite de l'époque à partir de 1840. Pourquoi une perte de pouvoir? C'est qu'à partir de 1840, on se rappellera peut-être, autour de 1837-38, il y avait ce qu'on appelait la rébellion. Donc ce sont des Canadiens français mécontents de leur situation, influencés par les idées libérales de l'époque, et donc ils vont fomenter une révolution, mais qui va échouer. Et donc ils s'inspiraient beaucoup de ce qui se passait aux États-Unis. Donc ils vont trouver même refuge aux États-Unis. Malheureusement pour eux, ça a échoué, et c'était l'occasion pour Londres de passer à une phase sérieuse maintenant d'assimilation des francophones. Et on va, à partir de 1840, on va imposer l'union, parce que ça c'est important pour le Canada français, on va imposer l'union entre le Bas-Canada et le Haut-Canada, ça devient une seule province, un seul gouvernement. Et là, c'est le début de l'assimilation des francophones. C'est le début de la rupture donc, entre les anglophones et les francophones. D'autant plus que les anglophones, aussi, dans leur politique, ils vont contrôler l'immigration. Ils vont encourager l'immigration britannique, mais donc ils vont empêcher toute immigration francophone dans la province du Québec. Et donc le poids démographique, évidemment, qui était un enjeu majeur pour les francophones, va devenir un problème sérieux pour un peu l'élite. Ce qui comprend très bien pourquoi ils vont réagir dans une première phase durement envers leurs compatriotes qui partaient à l'extérieur de la province. Ils vont donc utiliser, c'est important ce que je dis, parce que on va voir pourquoi j'insiste un peu sur ce point-là. C'est que je suis déjà là. Voilà, donc comme je ne contrôle pas mes points d'ici, et donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu la province de Haut-Canada et du Bas-Canada. Tout ça était une seule province, mais divisée en deux, le Bas-Canada et le Haut-Canada, ici, nous l'avons parlé. Et ici, évidemment, c'était un peu le vide total. Appartenaient à des compagnies privées. Donc, l'élite va utiliser une série de stratégies, des rapports d'enquête sur ces groupes minoritaires. Ils vont aussi moderniser l'agriculture pour les attirer. L'Église va intervenir pour acheter des terres, pour faire revenir ces immigrés-là. Mais toutes ces stratégies-là vont finalement échouer complètement parce qu'on s'est rendu compte que ces gens-là ne retournaient pas et sont installés définitivement dans la province, aux États-Unis, dans l'Ontario et ailleurs. Et c'est un départ massif, c'est des jeunes, c'est des familles, ainsi de suite. Ils vont mener aussi des campagnes de rapatriement énormes. Pour faire venir les gens, ils vont les menacer, excommunion, enfin une série de stratégies comme ça pour les obliger à revenir. Mais à chaque fois, c'était des départs et des départs et des départs vers les provinces et les États-Unis. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le changement tout à coup de l'élite dans sa quête, dans ce rapport de force avec les anglophones. On s'est rendu compte en fait que ces francophones-là, qui vivaient aux États-Unis ailleurs, en fait, ils ne s'assimilaient pas, curieusement. Ils créaient leur réseau institutionnel, même si l'église de Québec n'envoyait pas des prêtres, ils se débrouillaient quand même pour trouver des prêtres, surtout la France qui envoyait des prêtres, clandestinement parfois, et qui constituaient leur réseau institutionnel. Parfois, ils créaient des petites paroisses qui sont devenues des gros villages, et donc avec leurs journaux. Et donc, ils ont créé quand même une vie très active dans ces endroits-là. Et du coup, l'élite va instrumentaliser, enfin l'Église en particulier, l'élite clericale, va donc récupérer un peu ce succès-là de ces immigrants, de ces francophones-là, pour finalement créer ce qu'on va appeler l'identité canadienne-française, qui en fait, ça n'existe pas du tout. Et on va créer donc ce qu'on appelle l'identité canadienne-française à partir exactement de 1880, où on va commencer donc à entendre des discours, une nouvelle interprétation, une nouvelle lecture de ces départs-là. Et parmi cette lecture qui va dominer pendant 60 ans, 50 ans au moins, c'est l'idée que, en fait, ces gens-là, ces immigrés qui sont partis aux États-Unis en Ontario, ce n'est pas des traîtres. Ils ne sont pas partis non plus parce qu'ils vivaient des conditions difficiles, mais c'est parce que Dieu l'a voulu. Et ils avaient une mission. Dieu leur confie une mission. Et cette mission-là, c'était la reconquête du territoire. Les Français ont perdu leur territoire, mais ces colons-là vont récupérer le territoire. Ils vont le reconquérir. Et donc c'est comme ça qu'ils ont créé l'identité canadienne-française, qui n'est plus Québec, au Québec, dans la province de Québec, mais à l'échelle de l'Amérique. Et c'est comme ça, en fait, que ça. Et un joueur clé, finalement, de l'époque, un nationaliste de l'époque, dira, là où nous nous établissons, c'est-à-dire que cela sera la province de Québec. En fait, il voulait dire que simplement, que pour l'élite, le territoire n'est plus l'élément essentiel de l'identité. C'est désormais la religion, la langue et la tradition qui deviennent un peu le ciment un peu de l'identité canadienne française. Et le regard aussi change sur ces immigrés-là. Ils sont donc devenus des héros. C'est grâce à eux que la reconquête va revenir. Et toute l'élite, finalement, va développer toute une série de statistiques, de prévisions de l'époque, ainsi de suite, voyant dans le succès de ce mouvement-là. Et je cite par exemple des chiffres qu'aujourd'hui, ça nous fait un peu sourire, mais à l'époque, c'était sérieux. Par exemple, il disait, juste à propos des États-Unis, par exemple, il disait que les Canadiens françaises seront à l'aube du XXe siècle 25 millions. Et d'autres diront 100 millions. D'autres diront et formeront dans 50 ans la moitié des Américains. Alors vous voyez comment un peu on avait un rêve de l'époque, de la conquête, la France revient, ainsi de suite. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'ils sont presque disparus, en fait. S'il y en a 2 millions, c'est déjà beaucoup. Ce qui est intéressant de voir quand on se promène un peu aux États-Unis, dans ces coins-là, même leur identité a pris une forme différente. Ce n'est plus linguistique, c'est historique. Par exemple, c'est pas surprenant de voir, moi j'ai visité des universités américaines, c'est pas surprenant de trouver par exemple des associations d'étudiants, c'est marqué association d'étudiants francophones, en anglais, mais personne ne parle français, simplement. Mais ils s'identifient à leur histoire, etc. Mais personne ne parle français, pas un mot. Donc ce qui fait que la langue n'est plus le critère principal en fait d'identification, mais simplement un peu leur histoire, leurs ancêtres, la tradition, et ainsi de suite. Et donc, à partir donc, de ce moment-là, on va créer un peu ce qu'on appelait un peu l'identité, l'identité canadienne-française. Et c'est l'Église donc, qui va. Donc c'est l'idée qui va. Qui va avoir le monopole de la nation, de l'identité. Le discours de la nation, c'est l'Église qui va l'avoir pendant plusieurs décennies. il va commencer donc, avant il rejetait l'immigration, maintenant il va commencer à encadrer l'immigration. Et c'est lui qui a encouragé les départs, il les encadre. Il va aussi acheter des terres en Ontario, un peu partout. Il va installer des colons. Il va également créer des hospices, des écoles, des hôpitaux. Il va envoyer des sœurs pour l'enseignement. Il va en créer des écoles, beaucoup d'écoles françaises. Et donc, il va jouer vraiment un rôle clé dans la création et dans l'unité un peu des groupes, ce qu'on appelait le groupe d'identité française, qu'on n'est pas encore un groupe minoritaire qu'on appelle aujourd'hui franco-ontarien. Ça va prendre un peu un certain temps. Évidemment, la reconquête du territoire par l'Église, à l'époque on l'appelait l'Église-nation, finalement parce que c'est lui qui avait ce contrôle de la nation, cette reconquête-là n'était pas évidemment politique. Il ne cherchait pas à renverser l'ordre établi, mais plutôt il visait une certaine autonomie, une autonomie culturelle. Donc l'Église va, en fait, le projet politique de Québec, qui était l'autodétermination, va dévier vers une certaine autonomie culturelle. Pourquoi culturelle ? Parce que l'Église se méfiait beaucoup de nationalisme. Le nationalisme avait des idées libérales et prenait la séparation de l'État et de l'Église. Et l'Église va toujours s'opposer au nationalisme. Il va même collaborer avec les Britanniques en 1837-38 pour faire échouer la révolution des patriotes, parce qu'il avait peur pour son pouvoir. Donc il va dévier un peu ce projet d'autonomie vers l'autodétermination, vers un projet beaucoup plus une autonomie culturelle. Et c'est pour ça qu'il avait investi dans les institutions francophones pour la langue, pour la religion, ainsi de suite. Il va donc devenir un peu un farouche défenseur, ou plutôt opposant, donc de toutes les idées libérales, d'une part. Il va s'opposer à toute l'idéologie américaine, protestante, industrialisante, et plus tard il va s'opposer au communisme. En fait, toutes ces idéologies-là qui menaçaient un peu son pouvoir et en même temps menaçaient la survie des Canadiens, des Canadiens français. Ce pouvoir-là va dominer un peu jusqu'aux années 50, mais à partir des années 60, plus précisément, ça serait un peu la fin de ce qu'on a appelé la minorité canadien-française ou l'identité canadien-française. Alors, pourquoi la canadien-française va... Voilà, donc j'avais fait ces citations-là simplement pour vous donner un petit peu une idée comment l'élite concevait un peu l'identité canadienne-française à l'époque. Donc à partir des années 50, à partir des années 60, les choses vont changer complètement pour l'identité canadienne-française. Pourquoi ? Parce que on va assister à ce qu'on appelait une crise de l'identité canadienne-française. C'était l'époque de la montée du nationalisme québécois. En fait, c'est dans sa version d'aujourd'hui, en fait, ça date des années 50, le nationalisme québécois. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, il n'y avait pas de nationalisme avant, mais dans sa version moderne, si on veut, aujourd'hui, c'est les années 50. En fait, on s'est rendu compte tout simplement qu'il y avait un fossé énorme entre les anglophones et les francophones, et que la stratégie de l'Église ne marchait pas du tout, et son discours était passéiste. Et cela se comprend bien, parce qu'on est dans les années 50, c'est l'industrialisation. Le milieu rural, parce que l'Église s'appuyait beaucoup sur l'idéologie rurale, ça ne marche plus, parce que le milieu rural est presque disparu, le Québec est devenu urbain. On pensait que les francophones vont se défendre un peu plus contre l'assimilation, ce n'était pas du tout le cas, un taux d'assimilation énorme. Le pouvoir continue d'être toujours entre les mains des anglophones, donc on a délaissé ce pouvoir-là pour s'investir dans l'agriculture, mais finalement ce n'était pas payant. Par exemple, si vous regardez les archives, les photos, par exemple à Montréal, on est un peu surpris que dans les années jusqu'aux années 60, et même après, tout l'affichage, par exemple, à Montréal, c'est en anglais. Même les magasins, les francophones, c'était en anglais. La vie se déroulait en anglais. Les patrons de l'usine, c'était anglophone. Tout se passait en anglais, finalement. Et là, nationalisme, donc il y avait une montée de nationalisme qui a commencé à remettre en cause, en fait, ce rapport de force. Et on a commencé donc à revendiquer une autodétermination. On s'est dit que l'identité française, si elle veut s'épanouir, elle va s'épanouir au Québec et non pas à l'extérieur du Québec. Et du coup, ça posait un problème sérieux. Cette idée d'infériorité des Canadiens français se confirme dans les années, en 1963, si ma mémoire est bonne, en 1963, on va créer, le fédéral va créer la commission sur le biculturalisme. Et c'était la première fois qu'il va y avoir un rapport, une commission, des études sérieuses pour démontrer avec des faits, finalement, l'assimilation des francophones et la domination, finalement, que subissaient un peu les francophones. J'aimerais un peu citer quand même une conclusion de ce rapport-là, parce qu'elle résume très très bien un peu la situation de l'époque. Nous devons l'admettre dès le départ. Si la commission a été formée, c'est dans une certaine mesure pour examiner les griefs formulés de plus en plus vigoureusement par les Canadiens français et en particulier par le Québec. C'est le Canada français qui, par ce porte-parole, se déclare insatisfait de l'état des choses actuelles et assure qu'il est victime d'inégalités inacceptables. En fait, c'est un peu cette commission-là qui va venir un peu changer la donne, qui va donner un peu des munitions pour les nationalistes québécois pour revendiquer un État, une province comme État, leur État. Et cette commission-là, évidemment, n'est pas venue pour les beaux yeux du nationalisme, des Français, mais c'est une manière de contrer le nationalisme québécois qui était un peu en émergence à l'époque. Donc c'était carrément pour diviser politique que cette commission a été créée et il fallait un peu changer les règles du jeu au Canada. Sur le plan politique, donc, on revendique un État, mais ce qui est un peu plus difficile encore à accepter par les minorités à l'extérieur du Québec, c'est qu'on revendiquait aussi une identité différente. Désormais, l'identité, c'est plus une identité canadienne-française, mais c'est une identité québécoise. Et désormais, on ne s'appelle plus canadien-français, on s'appelle québécois. C'est à partir de 67 à peu près qu'on a commencé à s'appeler québécois et non plus canadien-français. Et du coup, les minorités hors Québec se trouvent orphelins, sans identité. Et donc, ils vont donc réagir en urgence. Il faut créer une identité en toute pièce pour affirmer leur existence. Et pas seulement l'Ontario, mais c'est les autres provinces aussi hors Québec aussi qui vont se lancer dans cette lutte. Je veux dire, lutte identitaire. Et la première des choses, ça va être au niveau évidemment définitionnel, qui sommes-nous? Et on va inventer l'idée de franco-ontarien. Nous sommes des franco-ontariens, nous ne sommes plus des Canadiens français. Il y a eu d'autres noms qui ont pas, qui ne sont pas imposés, comme Ontarois par exemple, qui a circulé parmi les mais c'est franco-ontarien qui va dominer, etc. Et désormais, à partir de 70, on va s'appeler franco-ontarien, franco-manitobain, etc. Selon chaque province, on va se définir au niveau territorial, au niveau de la province, et non pas au niveau national, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que s'est créé ce qu'on appelait aujourd'hui l'identité minoritaire. Et comme toute création identitaire, le nom ne suffit pas. Il faut donc, et Jean-Marie Thiès l'a bien montré dans la création des identités, il faut beaucoup plus que ça. On a aussi créé une histoire que cette minorité ne dépend pas seulement du Québec, elle a une histoire, et ces histoires-là sont les Français de France, évidemment. Ils ont aussi des héros, héros-types qu'on a créés. Ce sont ces paysans, ces colons, des coureurs de bois qui affrontent un environnement hostile, un ennemi, un adversaire hostile aussi à leur cause. Il y a des noms qui ont circulé, etc., qui sont érigés comme des héros de cette culture-là, de cette ça. On va aussi créer évidemment un folklore. Ce sont des chercheurs qui vont sillonner un peu les provinces. Chaque province avait son folklore. On va ramasser des chansons, les contes, etc., pour faire une continuité entre la culture. Et on va aussi inventer un drapeau franco-ontarien, qui est venu beaucoup plus tard, fin 70, début 80. On va donc inventer un drapeau qui va être accepté par le Canada. À cela s'ajoutent évidemment des centres. On a créé des centres de recherche. C'est bien d'avoir une identité, mais il faut aussi créer des centres de recherche pour avoir créé du savoir, faire des études sur cette identité-là. Parmi les premiers centres, c'est un centre, je mentionne ça parce que je l'ai dirigé pendant quelques années, c'est l'Institut franco-ontarien, cet institut de recherche. Mais aussi, il y avait des revues Nouvelle Ontario. On a créé aussi des programmes d'études sur la minorité, ainsi de suite. Donc, on s'est donné un certain nombre d'outils, finalement, pour montrer que cette minorité-là existe. Elle est vivante, ainsi de suite. Ensuite, ce nationalisme-là, québécois, aussi a créé un genre de sentiment d'urgence sur le plan politique. C'est qu'en fait, toutes les associations qui étaient canadiennes-françaises à l'époque ont changé leur nom. Ils sont devenus soit au niveau provincial, et puis ils ont créé comme une structure pan-canadienne qui s'appelait à l'époque en 75 Fédération des francophones hors Québec. Déjà, le mot le précise très bien, on n'est plus canadien-français, on est hors Québec. Et cette organisation elle-même va changer de nom beaucoup plus tard avec l'arrivée massive des immigrants francophones. Et pour les intégrer à l'intérieur, on va s'appeler la communauté simplement francophone du Canada, pour enlever un peu le mot hors Québec, pour beaucoup centrer sur l'affirmation identitaire, mais ça va s'appeler francophone tout court, pour enlever un peu tout pour aménager un peu la sensibilité de certains immigrants francophones. Et c'est comme ça qu'on a créé donc une identité francophone qui s'impose avec sa représentation, son drapeau, sa culture, etc. Son histoire, il y a des manuels d'histoire, des historiens qui ont émergé, ainsi de suite. Je termine un peu sur ce point-là. Je vais commencer maintenant à aller plus rapidement. Dans la première phase, cette histoire, cette identité immigrant était un peu hostile à l'idée de l'immigration. Pourquoi hostile aux immigrants comme tels? Parce qu'ils étaient hostiles à ce qu'on appelait le multiculturalisme. Le multiculturalisme, dans les années 70, est venu justement pour faire reconnaître un peu la dimension culturelle, multiculturelle du Canada. Mais du coup, ça posait un problème pour l'identité franco-ontarienne, parce que finalement, on les considérait comme une communauté parmi d'autres. Alors la réaction était un peu très négative au début face à l'immigration. Et donc ils vont s'opposer beaucoup, beaucoup à cette politique du multiculturalisme. Mais ce n'est que beaucoup plus tard, à partir des années 80, avec l'arrivée massive des francophones, avec l'assimilation qui s'accentue, problème de natalité. Donc on va un peu récupérer un peu les politiques d'immigration et on va insérer, on va plutôt faire une place aux immigrants francophones en particulier, pour les aider finalement à tenir le coup face à un environnement anglophone. Et donc du coup, les associations francophones de l'époque vont commencer à changer leur nom pour s'adapter, comme j'ai dit tout à l'heure, aux immigrants. Voilà donc pour comment on a créé ce qu'on appelait aujourd'hui l'identité francophone. Et je tenais à le mentionner pour ne pas essentialiser tout le temps les identités, les prendre pour acquis, Ce n'est pas du tout le cas. Et le rôle du chercheur, à mon avis, c'est de faire un peu ce travail. La deuxième section, qui me semble encore plus importante ici, c'est la création de ce qu'on appelle le mythe du peuple fondateur, un mythe mobilisateur. Je disais tout à l'heure qu'il y avait l'arrivée massive des immigrants aux États-Unis et ailleurs, dans le reste du Canada, ce qui va devenir le Canada à partir de 1867. En fait, les immigrants qui arrivaient en Ontario et ailleurs, en fait, ils étaient vus comment? Par le nationalisme anglophone, c'était des French domination. Simplement, c'était des dominants qui arrivaient. Qui voulaient un peu envahir notre culture, ils voulaient un peu simplement nous dominer, et c'est ce qu'il y a. Le mot French domination circulait beaucoup parmi l'élite anglophone nationaliste de l'époque. Voici ce que disait par exemple quelqu'un, nationaliste: les habitants du Canada débordent par-dessus nos frontières. La victoire remportée par les hommes de la race anglaise sur les plaines d'Abraham est vengée par les femmes de la race de Montcalm. La Nouvelle-Angleterre est vaincue. Les SM détachés de la ruche française prennent possession du terrain, etc., dans la mission de couvrir la terre. La Nouvelle-Angleterre des aïeux est en train de disparaître. En fait, ce sentiment anti-francophone, bah évidemment, n'est pas porté par tous les anglophones, mais particulièrement par les orangistes, par certains journaux comme le Globe and Mail, qui soutenait beaucoup ça, et parfois aussi par le clergé irlandais qui voyait un peu en fait, qui pensait que en fait la langue n'est pas importante finalement dans l'assimilation des gens. Et quand c'est la religion, mais la langue, on s'en fout complètement. Et donc tous ces groupes, cette élite-là, vont donc diffuser un sentiment très anti-francophone de l'époque. Et qui coïncidait dans les autres provinces avec ce qu'on appelait, et ça reste un peu dans la mémoire aujourd'hui des minorités francophones, ce qu'on appelait à l'époque les luttes scolaires. Les luttes scolaires. En fait, ça veut dire concrètement, simplement, on a développé des projets pour simplement assimiler les francophones, mais rapidement. Et la façon la plus simple de les assimiler, c'était l'école. En imposant l'école, l'anglais partout dans l'enseignement, et parfois en abolissant les écoles françaises. C'était le moyen facile, à côté de l'immigration, qui était une stratégie ancienne, abolir l'école française, imposant la langue française, et on va faire disparaître la race canadienne française, comme on disait à l'époque. Par exemple, la Nouvelle-Écosse, déjà en 1864, elle impose une loi. On abolit les écoles. L'île Prince-Édouard, en 1873, on fait disparaître la langue française. 1896, c'était le tour de Manitoba. Oh non, on impose la langue anglaise. L'Alberta, en 1905, on impose ce qu'on appelle Alberta School Act. En 1905, on impose l'anglais comme la seule langue de la province. C'est dans ce contexte de lutte scolaire qui ont duré des années et des années de lutte. Je n'insisterai pas là-dessus. Ce qui est intéressant à retenir, c'est dans cette période-là de lutte scolaire, de lutte anti-anglaise et anti-francophone aussi, qu'on va, l'élite canadienne-française va développer ce qu'on appelle la théorie du pacte. En fait, ce qu'on va dire simplement, c'est que ces gens-là qui luttent pour les écoles françaises, ils ne le font pas parce que, simplement pour survivre, c'est un droit. Et pourquoi un droit? Parce que c'est dans la Constitution. Or, il se trouve que dans la Constitution de 1867, c'est pas marqué, ce pacte-là, ça n'existe pas. Dans la Constitution du Canada, il n'existe pas jusqu'à aujourd'hui que le Canada ait été fondé par deux peuples, francophones et anglophones, ça n'existe pas. Mais en fait, on va récupérer donc ça. On dit, en fait, c'est pas juridique, c'est pas écrit, mais la Constitution canadienne, ils vont dire, elle repose sur un compromis historique. En fait, la Constitution est le produit lui-même d'un compromis historique, d'une convention morale qui existait depuis 1840, à l'effet qu'il existe au Canada deux peuples fondateurs, ce sont les francophones et les anglophones. Ici même, cela n'apparaît pas dans la Constitution. Dans l'esprit des pères de la Constitution, c'était cette idée-là qui a animé ces gens-là pour créer ça. L'État, ailleurs, c'est l'État qui crée les institutions. Au Canada, ce sont les provinces qui ont créé le Canada. C'est l'inverse. Le problème pour l'élite, il y a un débat aujourd'hui qui continue encore, depuis de l'époque, qui continue aujourd'hui, c'est que pour certains, le pacte entre deux peuples fondateurs, c'est une illusion, c'est un mythe créé de toutes pièces, parce que ce qui existait en fait, c'est le pacte entre provinces. Ce sont des provinces qui sont réunies pour créer le Canada. Chaque province gardera son autonomie. Pour d'autres, c'est le contraire. C'est plutôt ethnique et linguistique. Ce sont deux peuples fondateurs qui ont créé ça. Donc en 1902, en pleine lutte scolaire, des nationalistes, c'est le Henri Bourassa, qui va créer donc ce mythe-là en 1902 pour diffuser un nationaliste. Il était nationaliste pan-canadien, il n'était pas nationaliste québécois au sens québécois du terme. Et donc il va créer ce qu'on appelait le pacte entre de peuples fondateurs. Et il y a donc un débat entre est-ce que c'est vrai, ça existe ou ça n'existe pas. Ça, c'est un débat d'historien. Pour un sociologue comme moi, je ne me pose pas beaucoup ce genre de questions. Pourquoi ? Parce qu'un mythe ou une illusion ne se mesure pas à sa valeur objective. Un mythe peut être faux, mais comment les acteurs sociaux récupèrent ce mythe pour défendre un peu leur politique, pour mobiliser leurs troupes, ainsi de suite. Et en fait, et c'est comme ça que ce mythe-là, qui pour certains c'est un mythe, va être récupéré par l'élite francophone, pour finalement l'utiliser. À chaque fois, il y a une lutte pour leurs droits. Ils vont à chaque fois, à chaque lutte scolaire et autres, ils vont utiliser un peu ce mythe pour dire, en fait, c'est un droit que le Canada doit respecter parce que nous sommes l'un des peuples fondateurs. Et ce mythe-là va s'appliquer dans certains contextes de lutte scolaire dans d'autres provinces, mais il va s'appliquer beaucoup dans la première lutte en Ontario, lutte scolaire en Ontario, qui a mobilisé presque, qui est devenue une cause nationale. C'est arrivé, ça a duré 15 ans, entre 1912 et 1927, et qui a marqué un peu l'imaginaire, des minorités francophones. On a appelé ça le règlement 17. Donc on a aboli les écoles françaises, avec quelques exceptions. On va permettre aux francophones d'enseigner leur langue simplement première année, deuxième année primaire seulement. Sinon, c'est en anglais. Donc c'est une façon un peu de les assimiler carrément. Et cette lutte-là donc, va puiser dans un répertoire varié d'actions. Les désobéissances civiles, empêcher les inspecteurs de rentrer dans les écoles. On va faire des pétitions, on va même écrire au pape. Et qui va finalement rejeter leur demande parce qu'il était beaucoup plus côté anglophone. Et donc, on va même mobiliser la presse nationale, même la presse en Amérique vont écrire sur l'événement, les institutions vont se mobiliser pour cette cause-là qui a duré, disons, 15 ans. Et la thèse de pacte va être utilisée. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit, ainsi de suite. Mais ils vont devant les tribunaux, mais cette thèse-là va être rejetée. Elle va être rejetée à la fois par les tribunaux, par les politiciens, elle va disparaître, elle va être marginalisée pendant décennies et décennies, cette thèse-là. Elle va réapparaître un peu plus tard, mais je vais en parler tout à l'heure. Donc cette lutte scolaire, qui va être interprétée comme un droit, mais aussi comme la survie des francophones, va être tellement déterminante pour l'identité francophone, ou que plus tard, les minorités francophones, quand elles vont, comme je disais tout à l'heure, quand elles vont commencer à définir leur identité, ils vont utiliser cette lutte scolaire comme la première fondation, la première source de leur identité francophone. Donc, chez les minorités francophones de l'Ontario, quand ils veulent définir la source de leur identité, ils vont la définir dans cette époque-là de l'histoire scolaire comme un moment fondateur de l'identité franco-ontarienne. Donc, une fois encore, ça montre bien comment l'histoire, qui s'inscrivait dans un contexte différent canadien français, dans notre contexte, comment plus tard, il va être récupéré pour l'annexer à une identité beaucoup plus franco-ontarienne, non plus franco-canadienne. Et donc, ce mythe va être mobilisateur pendant jusqu'à aujourd'hui. Mais je rentre un peu dans c'est important, ce que j'appelais, je vois que le temps passe, moi qui pensais parler 45 minutes, mais je vous ai averti tout à l'heure, mais il ne me reste pas beaucoup. Alors, si vous vous ennuyez, vous me le dites, j'accélère un peu plus là. Est-ce que ça va ou... Ça va très bien, mais il faudra nous laisser un peu de temps pour débattre. Voilà. Donc en gros, comment je résume ça? En gros, évidemment, jusqu'aux années 60, la lutte, c'était pour s'affirmer, affirmer son identité, mais ça, affirmer pour être différent des autres. C'est ça, affirmer son identité. Mais affirmer son identité, une chose, mais être reconnu légitimement, c'est une autre. Et donc, ils vont réclamer de l'État une certaine reconnaissance sur la base de pactes entre deux peuples fondateurs. Et l'État fédéral, dirigé à l'époque par un certain Trudeau, probablement vous avez entendu parler de lui, c'est son garçon aujourd'hui qui est le chef du même parti politique. Ce parti-là, pour répondre aux luttes des francophones et à leurs demandes, et pour contrer le nationalisme québécois, va donc créer ce qu'on appelait la loi des langues officielles du Canada. Sûrement vous avez entendu parler des langues officielles au Canada aujourd'hui. C'est elle qui protège, disons, la langue française au Canada. Le problème avec cette loi-là, c'est une loi à inspiration libérale. Ça ne protège pas la communauté, au sens, je ne dis pas communautarisme, au sens canadien du terme, c'est-à-dire l'unité du groupe, le collectif, pardon. La loi est beaucoup plus individualiste, beaucoup plus libérale. C'est l'individu francophone. Il a le choix de choisir la langue qu'il veut et la culture qu'il veut. Ce qui, évidemment, pose un problème majeur pour la communauté, pour la minorité francophone, qui revendique beaucoup plus une reconnaissance comme une minorité nationale, comme un groupe fondateur, et non pas seulement comme des individus parlant français et qui vont faire le choix d'appartenir à tel groupe ou à tel groupe. Le Parti libéral, le fédéral, avait rejeté la thèse de pacte entre le peuple fondateur en continuité avec sa philosophie libérale. Lorsque, beaucoup plus tard, à la fin des années 70, début des 80, après l'échec des référendums au Québec, la question constitutionnelle va se poser de nouveau. Il faut ouvrir le débat constitutionnel. On va faire rapatrier la constitution de l'Angleterre. Et donc, il fallait redéfinir le pacte de nouveau. Et encore une fois, c'est toujours le même parti libéral que le pouvoir. Il va rejeter la thèse, malgré l'assistance des communautés francophones, pour qu'on inscrit dans la constitution et dans la charte des droits et libertés le pacte de le peuple fondateur, va être encore rejeté cette thèse-là. Donc, il y aura encore des luttes qui vont durer très longtemps, mais finalement, ça n'a abouti à rien. C'était l'échec total. Et on va créer ce qu'on appelait dans la Constitution la Charte des droits et libertés qui protège encore une fois les individus et non pas les communautés comme telles. Ça, c'est une période que je résume rapidement, donc, qui vont donner lieu à beaucoup de luttes qui vont être réglées, en fait, plus ou moins à partir des années 90, début 80, mi-80, à partir des années 90, le pacte entre deux fondateurs va commencer à s'imposer graduellement. Comment? Alors, je vais essayer encore d'aller vite. Il va s'imposer grâce au début, donc l'élite francophone rejette complètement la charte droit et la liberté. Ils trouvaient que c'est un outil qui constitue un obstacle à leur épanouissement, mais ils vont quand même par pragmatisme, ils ont utilisé cet outil-là pour l'instrumentaliser, pour aller devant les tribunaux, pour revendiquer des droits. Au début, c'est ce qu'on appelait, début cette période-là, on va l'appeler un mot un peu barbare, on va appeler ça la judiciarisation des luttes. Cette période-là, tous les problèmes, toutes les luttes, toutes les revendications, souvent vont être réglées devant les tribunaux. Il y a eu une trentaine de cas, même plus, qui vont être réglés devant les tribunaux. C'est-à-dire que les mobilisations collectives vont disparaître de la scène. Et tout va être réglé devant les tribunaux. On n'a plus besoin de mobiliser les gens pour lutter dans la rue, par exemple. On va simplement aller dans les tribunaux. Dans les premiers cas, les tribunaux vont interpréter de manière un peu rigide la charte, le droit et liberté. Ils ne vont jamais donner raison aux minorités. Ils vont toujours l'interpréter dans une perspective libérale. La minorité n'a pas le droit à une existence comme telle. C'est les individus qui existent. Mais à la fin des années 80, en fait, il y a un cas qui est très très intéressant qui s'appelle le cas Mahé. M-A-H-E accent. Ce sont en fait quatre parents qui vont déposer une plainte. C'était Edmonton, pour demander la gestion de leurs écoles. En fait, un problème simple, normal, qui a toujours existé, la lutte pour avoir ses écoles, pour gérer ses écoles, pour être autonome contre l'assimilation. Parce que gérer une école avec un seul conseil anglophone-francophone, avec des enfants franco-francophones, ça ne marche pas pour eux, donc il faut qu'ils séparent les choses. Donc pour gérer un peu ça. Et à toute surprise, le tribunal va pour la première fois interpréter différemment la charte. Il va l'interpréter dans le sens de pacte entre deux peuples fondateurs. Il donne raison aux parents. Il dit non seulement ils ont droit à leur école, mais ils ont droit à l'école comme un des peuples fondateurs. Donc ils ont les mêmes droits que le côté anglophone aussi, comme un peuple fondateur. Et du coup, les tribunaux vont être envahis par des plaintes, des luttes, etc. Et à chaque fois, la Cour suprême va interpréter la loi différemment. De sorte que la loi au Canada, par exemple, la Cour suprême, c'est un État dans l'État. Ils ont inventé eux-mêmes leur propre interprétation, leur propre théorie qui impose un peu à l'ensemble de la société. Le Canada dans l'ensemble est devenu un pays de droit. Juridique. Tout se règle juridiquement, finalement. Et c'est pour ça qu'on dit c'est un peuple calme, il ne se passe jamais rien, contrairement à la France, où il y a des grèves à chaque deux minutes. C'est comme ça qu'on voit de la France de là-bas. Ben, en fait, là-bas, c'est que tout se règle devant les tribunaux. Hein, tout. La question des gays, la question des femmes, la question, enfin, toute l'euthanasie, la question des minorités, tout devant les tribunaux. En fait. Et les tribunaux, donc, vont imposer cette lecture-là que les minorités, c'est un peuple fondateur, finalement. Et donc, il y aurait une quarantaine de cas comme ça qui vont et cette décision-là, elle continue aujourd'hui. Elle est un peu fragile dans la mesure où elle dépend un peu du pouvoir des juges, qui ont un pouvoir énorme. Mais elle peut changer demain matin aussi, parce que le pouvoir judiciaire a une certaine autonomie, il peut changer carrément le titre. D'où un peu les luttes des minorités aujourd'hui pour enchâsser cette idée de pacte dans la Constitution aujourd'hui pour éviter un peu toute surprise. Évidemment, je termine un peu là-dessus, ce problème pose problème pour les intellectuels, les chercheurs. Un pays qui règle tous ses problèmes devant les tribunaux, il n'y a pas d'espace public, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de mobilisation. Donc c'est un peu le débat aujourd'hui ouvert que je laisse, qu'on peut en discuter, etc. De plus aussi, ça, on a bureaucratisé les associations. Il n'y a pas une association qui n'a pas son avocat. Donc les avocats s'enrichissent. Parce que toutes les associations créent leurs avocats parce qu'ils savent très bien, moindre problème, mais il faut aller tout de suite devant les tribunaux, ainsi de suite. Donc ce qui fait que l'idée de créer une identité, sentiment d'appartenance, par la mobilisation, etc., n'est plus de mise, en fait, dans ce contexte-là. Et le dernier point, je pense que j'ai tenu quand même à le souligner. ce que j'ai appelé un peu la lutte. La lutte pour la reconnaissance de la vitalité. En fait, devant le succès, parce que quand même, il faut le dire, c'est un succès, parce qu'ils ont réussi quand même à imposer cette thèse de peuple fondateur. En fait, leur représentation, parce qu'on en parle beaucoup, on parle toujours des luttes de rapport de force, la lutte matérielle, etc. Mais en réalité, il y a un changement de représentation, je termine là-dessus rapidement. Ce qui circule aujourd'hui dans la communauté, au sein des minorités francophones, il y a un discours et une lutte de représentation. Parce que nous avons réussi dans nos luttes, nous ne sommes plus un peuple assimilé. Donc c'était une réponse au Québec. Les Québécois ont toujours considéré les minorités impériaux un peuple, ce qu'on appelle les cadavres chauds. Voilà. Donc c'est le politicien, c'est René Lévesque d'ailleurs, un personnage quand même nationaliste important qui disait ça. Bon, ces gens-là, bon voilà, ils n'existent plus. Et donc on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la vitalité, et on a diffusé un discours que, à chaque fois, il ne faut plus parler d'assimilation, mais il faut parler plutôt de vitalité. Le verre n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Hein, il faut voir plutôt le côté positif de la chose. Et cette idée de vitalité va un peu plus loin, elle se traduit par des choses concrètes. Par exemple, qu'on va utiliser le bilinguisme qui était condamné à une époque. Aujourd'hui, le bilinguisme est vu comme une plus-value, quelque chose de plus, hein, utile. Ensuite, ce discours de vitalité, de positif, pour mobiliser, disons, les francophones, c'est aussi une réponse aux anglophones. Pourquoi une réponse aux anglophones ? Parce que les anglophones disaient que, en fait, si on commence toujours à aller devant les tribunaux, si on encourage le bilinguisme, etc., ça coûte cher. Alors, dans un contexte néolibéral, on coupe partout l'austérité, on n'a pas besoin de français, on n'a pas besoin de bilinguisme. Donc, en réponse à ces gens-là, ils ont aussi créé l'idée de bilinguisme comme une plus-value, et c'est même utile sur le marché de travail, etc. Donc, on va instrumentaliser la langue pour la rendre un peu quelque chose d'utile. La réponse est, votre argent que vous avez investi, hein, vous voyez, c'est rentable. Nous sommes utiles pour vous, contrairement à ce que vous pensez. Ils ont commencé à créer des études, à faire des études, pour montrer, chiffres à l'appui, comment les minorités francophones apportent un plus-value, sont utiles à la communauté. Et donc, ils ont des indicateurs, des batteries de mesure, ainsi de suite, pour montrer un peu leur utilité. Et même le folklore lui-même va être instrumentalisé pour, au niveau du tourisme, pour faire valoir une culture vivante, ainsi de suite. Donc on est dans une lutte ici, mais une lutte de représentation pour changer le stigmate, pour renverser la valeur, la table, un peu la table des valeurs. Désolé d'aller un peu vite, mais je conclue un peu sur ça. Le débat actuel, c'est, puisqu'on a obtenu la reconnaissance, est-ce qu'il n'y a plus de lutte ? Parce que toutes les études parlent toujours des luttes de reconnaissance, mais qu'en est-il des luttes après la reconnaissance ? C'est la grande question. Et la deuxième question que je soumets à la discussion aussi, c'est le pacte des peuples fondateurs. En fait, un mensonge, ou pas ? Ben pour les Premières Nations, le pacte fondateur, c'est un mensonge tout simplement. Parce qu'en fait, cette idée de pacte, c'est fait sur le dos. Le pacte, c'est fait sur le dos d'un peuple autochtone. Or, aujourd'hui, il y a tout un mouvement autochtone des Premières Nations qui se mobilise un peu partout pour revoir le Canada, en fait, dans l'ensemble, pour voir la Constitution. Ce qui fait que le problème qui est posé aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas le problème des minorités, c'est le problème même du Canada. C'est quel Canada on veut, en fait. Et dans ces 50 ans, le Canada sera plus pareil. Dans 10 ans, peut-être, 20 ans, ainsi de suite, puisque les Autochtones s'organisent et remettent en cause complètement le pacte, ces pactes-là ou ce pacte-là, en fait. Donc, je n'aurai pas le temps de rentrer dans ce débat-là sur les Premières Nations, mais on peut en parler un peu dans la discussion, si vous voulez bien. Et désolé pour la poste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la deuxième étape. Ça va, vous pouvez filmer, c'est bon pour vous, c'est bon, vous faites comme si vous n'étiez pas là. Voilà. Okay. Oui, mais j'ai une question avant qu'on passe à la discussion. Une question très importante que j'ai oublié de poser à la salle, c'est qui reste déjeuner ce midi? Donc, vous, bien sûr. Autrement. Bon. Alors, un, deux. Tu ne sais pas? Je ne crois pas que j'aurai le temps s'il y a les interviews. D'accord. Bon, ça va. Hein. Bon, je compte quand même. À quelle heure est ton travail? À 14h35, mais je prends la tête suite après. Voilà. Donc, je te compte au 4. Bon. 3, 4. Ouais, c'est pas, non, je compte plus. Donc, je crois qu'on est. Ça fait 5, 6, je crois. Hein, oh, je vais réserver par chat. Voilà, donc on va passer, aux questions. Bah, je pose à la mienne après. Alors, je vais passer le coup de fil pour réserver. Et puis, je laisse la parole à ça. Excusez-moi. Autre chose, je coupe le micro pour les questions. Je... Non.